بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dis, ô vous les infidèles, La a'budu ma ta'budun. Je n'adore pas ce que vous adorez. Wa la antum 'abidun ma a'bud. Et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. Wa la ana 'abidun ma 'abadtum. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez. Et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. À vous votre religion et à moi ma religion.